C'est ce qui me constitue depuis que je suis enfant, je crois. Quand je raconte, et là c'est vrai, ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres, dans mes livres, mais que voilà, on m'oubliait de longues heures dans une chambre à lire, c'est complètement exact. Et c'était pour moi des moments où j'étais bien, des moments de bonheur. J'ai des souvenirs de mes premières chambres et de mes premières bibliothèques, de mes premières heures de lecture. Et on m'y oubliait et j'en étais très heureuse en fait. Et D'accord. voilà, et ça a perduré, ça perdure encore en fait. Voilà. J'avais l'impression que les lieux d'oubli faisaient référence davantage au lieu lui-même, comme des lieux qui sont, comme vous dites, un peu délaissés ou sans intérêt, plutôt qu'au personnage. Les deux, mais j'aime me faire oublier dans certains lieux, ou j'aime aussi me faire oublier en ne disant pas où je me trouve, ou en partant sans, voilà, sans rien dire de ma destination. Ça, effectivement, aussi en rapport avec des lieux qu'on pourrait dire banals, dont le regard fait la valeur, fait le charme. Voilà, on peut parler de lieux d'oubli aussi en ce sens qu'ils sont oubliés du regard le plus inattentif ou le plus commun. D'accord. Et leur accorder une valeur, ça m'intéresse aussi. Ouais. D'accord. Et alors, y compris parfois dans certaines contradictions, puisque je crois que dans un livre, vous dites que vous aimez les chambres d'hôtel, Oui. et dans l'autre, vous dites je déteste les Ah chambres oui? d'hôtel. Ouais, c'est possible. D'accord. Bon, voilà. Donc c'était juste pour voir, juste pour vérifier si c'est bien vous qui avez écrit le livre. Apparemment, oui, quand même. Voilà. J'en viens maintenant à ce regard qui est pratiquement, qui est omniprésente dans tous les livres, puisque vous citez un épisode qui remonte à l'enfance, sans doute. Encore une fois, je parle de la narratrice, hein, pas nécessairement de Frédéric Germanot, qui regardait par les persiennes un gamin qui jouait avec un ballon, et que, voilà, le goût de regarder, de saisir ces instants sans importance, avait considérablement influencé votre écriture. Et quand vous dites l'étonnement et l'état de grâce de celui qui regarde le monde sans être vu, précisez un peu cette importance du regard dans votre travail, dans votre vie, dans votre travail d'écriture. Effectivement, il y a l'importance du regard en tant que tel et de l'observation, parce que je suis quand même je pense, un écrivain du détail, du paysage, voilà, de ces lieux que je disais tout à l'heure auxquels on ne prête pas forcément attention. En plus de ça, il y a une qualité particulière du regard quand on est pis, quand on est caché, quand on n'est pas vu. Et peut-être parce qu'on se met dans un état aussi on peut capter des choses inhabituelles, parce qu'aussi, évidemment, quand on n'est pas vu, il se déroule des scènes qui ne se dérouleraient pas forcément sous le regard. Enfin, c'est intéressant pour l'écrivain, c'est une matière qui peut être romanesque, pas D'accord. forcément, mais qui est intéressante. Ouais. Et ce regard court sur tous vos livres. Alors, je précise pour le public, donc Frédéric en est à son quatrième ouvrage. Donc, La Chambre d'écho, qui était le premier. Ces deux-là, Vianney la lettre et 90 motifs, qui sont sortis en même temps. On va y revenir un petit peu, parce que je crois qu'avant d'aborder le dernier qui vient juste de sortir, donc c'est la première fois que Frédéric est interrogé sur ce livre, qui est sorti le 10 octobre en librairie, je crois même le 14 dans certaines librairies. Avant d'en arriver à celui-ci, je crois qu'il est bon de revoir un petit peu, de vous revoir un peu à la lumière des autres. On en vient à l'écriture maintenant. Alors pareil, je vais utiliser ce même truc. Vos fictions se nourrissent de trois fois rien, de morceaux pauvres de reste, d'un trait de visage anodin ou ingrat, d'un jour gris, de ses racines déchiquetées ou enchevêtrées, de matériaux hétérogènes négligés par les ramasseurs de bois flottés plus nobles. Et vous continuez, jamais je ne pourrai lancer de héros à la conquête d'une planète neuve. C'est allusion à un écrivain qui inventait des mondes. Je n'ai écrit que des hommes seuls, inaptes à vivre, perdus. Je crois que c'est toujours vrai, oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié avec ce regard que l'on porte sur des détails infimes, sur des lieux apparemment sans grand intérêt, sans charme évident, comme vous le dites? Et pourquoi cet intérêt, c'est plus qu'un intérêt même, c'est une focalisation sur des personnages de trois fois rien? Peut-être que ça a partie liée avec, avec justement cet oubli cet oubli dans lequel on me laissait en fait quand j'étais enfant et qui voilà et qui m'a poursuivi longtemps. Peut-être que j'ai envie de sortir de l'oubli des lieux ou des personnages ou des personnes. Enfin, je pense par exemple, dans la chambre d'écho, je raconte, ou j'invente plutôt l'histoire d'un personnage qui fait passer sur une île des promeneurs. Voilà, il y a un bout de rivière qui doit faire 10 mètres de long. Cette personne voilà, passe ses journées en fait, à tirer sur le filin d'un bac et à faire passer des gens. Je ne lui ai jamais parlé, il est d'ailleurs complètement inabordable, il est complètement mutique. Mais de le voir, de l'imaginer, d'imaginer ce que peut être sa vie, en fait, et de sortir cet homme de l'oubli ou Voilà, de l'inattention, en et ce fait. souci de sortir quelqu'un Voilà, ouais. de l'oubli, de lui Lui accorder de accorder une l'importance. valeur, ouais. Ouais. Et ça court effectivement. Alors, puisque vous avez parlé de la chambre d'écho, voilà, c'est un livre qui est intéressant à plusieurs égards. Déjà, de par sa structure, il y a cinq nouvelles, cinq histoires qui sont racontées sur des personnages de peu, effectivement, des personnages de trois fois rien, avec deux exceptions quand même. Et en alternance avec ces fictions, puisque ça, il y a un texte en italique, c'est-à-dire dans une police différente, pour bien qu'on le remarque, qui lui se réclame plus de l'autobiographie, qui n'explique pas, hein, qui vient en écho, et c'est bien ce qu'il y a dans ça. Alors, là, ce qui m'intéresse maintenant, pourquoi cette structure? Pourquoi ce désir d'alterner avec des textes de fiction, des textes beaucoup plus intimiste, beaucoup plus autobiographique ou pas, mais intimiste en tout cas, qui disent les choses. En fait, la structure a surgi un peu par hasard et grâce à l'écriture elle-même. Le premier texte, en fait, qui est donc narratif, qui raconte une histoire, parle d'un homme qui est malade et qui s'est réfugié dans un pays chaud qui n'est pas nommé mais qu'on peut deviner être l'Algérie. Et donc, voilà, j'avais écrit cette première nouvelle qui est très ancienne, qui a eu plein de formes différentes, qui a été roman, qui a été poésie. Enfin, et puis, bien plus tard, des années plus tard, en fait, j'ai commencé à écrire des choses sur mon grand-père, qui était d'Algérie. Et en écrivant ça, j'ai compris en fait ce qu'était cette première nouvelle que j'avais cru être de fiction et qui en fait n'était pas du tout une fiction, était complètement tirée d'images et de souvenirs que j'avais de ce grand-père. Et donc j'ai juxtaposé les deux textes. Et ça m'a intéressé en fait de tirer un peu les ficelles. Plutôt que de faire partir de l'autobiographique pour aller vers la fiction, tirer les ficelles de la fiction pour aller vers l'intime et l'autobiographique. Et donc, voilà, je l'ai tenté sur deux ou trois textes qui me paraissaient intéressants. Et l'éditeur, en fait, quand il a reçu le manuscrit, c'est ça qui l'intéressait, cette structure-là, cette manière, en fait, d'enrichir la fiction et l'intime. Voilà, sachant que dans la fiction, il y avait déjà beaucoup de choses autobiographiques et que dans l'intime, il n'y a pas que des choses autobiographiques. Enfin, ce mélange-là l'a intéressé et du coup, on est parti sur une structure alternée qui a été appliquée à tout le livre. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est jamais explicatif. C'est vraiment en écho. C'est un texte qui vient en écho, qui, par exemple, sur le grand-père, bon, le premier texte, à aucun moment il est question du grand-père. Le deuxième texte, voilà, raconte un petit peu autre chose. Et toujours comme ça. Alors, dans ce livre, on ne va pas y passer parce que ce n'est pas l'objet de la soirée. Dans ce livre, la dernière nouvelle est absolument remarquable, Le silence des hérons, qui fait allusion, sans le nommer, à l'écrivain Julien Gracq. Chez lui, il y a des passages, il y a des qui sont très très beaux. On va quand même juste ouvrir une petite parenthèse. Pour Frédéric, le lien était plutôt dans la demeure, une demeure devant laquelle elle passait, qui lui rappelait une demeure d'enfance. C'était ça le lien entre les deux. Vous m'avez quand même confié, hors micro, que le fait de toucher à Julien Gracq, qui est une icône, une institution, vous avez valu quelques remarques déplaisantes. Oui, c'était le premier texte en fait que j'envoyais à un éditeur. Donc c'était un texte assez bref. Je l'avais envoyé chez un éditeur qui faisait de la poésie et des textes de ce format-là. et qui n'a pas vraiment compris en fait que j'en faisais un personnage de fiction finalement. Que je, voilà, Julia Gracq n'était pas nommée, je ne faisais pas une biographie non plus, enfin, c'était pas du tout le propos. Et donc j'avais touché à une sorte de figure un peu intouchable. Ouais, ouais. Et ouais, j'avais eu quelques remarques. Et sur des points particuliers? Oui. Alors, il y avait un peu sur son rapport avec les femmes, en fait. Je m'en doutais, page 113, j'y suis. Ah oui, d'accord, oui, voilà. C'est évident, voilà, on touche là, à quelque chose. C'est un peu un mystère pour Julien Gracq. Il n'a jamais revendiqué une quelconque homosexualité, il vivait avec sa sœur. Il y avait quelque chose d'un peu trouble ici. Et puis, il y avait autre chose aussi, peut-être Après, il y avait sur le. Quand il recevait, en fait, des. J'explique un peu comment. Enfin, je suis jamais rentrée dans sa maison, donc voilà, j'imaginais un peu ce qu'était sa maison et comment il pouvait y recevoir des lecteurs encore, alors qu'il était vraiment très vieillissant. Et ça pas non plus. Voilà. Je pensais que c'était plutôt sur son rapport à l'écriture en fin de Oui, vie. Oui, aussi, ouais. Voilà. On sent un homme un peu. On peut pas dire désabusé. Il l'a jamais été. Mm. Moi, je connais pas non plus le personnage, mais. Un personnage qui se rend compte qu'il a beaucoup écrit, il a fait beaucoup de livres, mais qu'il est passé un petit peu à côté de la vie, et surtout qu'il n'a jamais compris ses semblables, et notamment les femmes. Et là, même s'il n'est pas nommé, je comprends que ceux qui vénèrent Julien Gracq. C'est un texte magnifique, et le texte qui suit, qui encore une fois est en écho, est très beau aussi. C'est un rapport aux maisons, et Frédéric l'explique bien, quand la maison a été, après le décès de Julien Gracq, quand la maison a été plus ou moins vidée et tout, ça ne l'intéressait plus, il n'y avait plus ça. Voilà. Donc la chambre d'écho. Alors, par rapport à cette structure, je crois que c'est le début de quelque chose qu'on va retrouver, d'une tendance, d'une volonté même, je crois, dans vos écrits, que vous mentionnez, page 22 d'un autre livre, de l'autobiographie à la fiction, j'aime brouiller chemin et frontières. Et je crois que là, on va vous retrouver quasiment dans tous les autres livres. Voilà. Alors, c'est pas juste ça arrive comme ça. Je crois que c'est une volonté. C'est une volonté de brouiller. Alors, une question que je vais vous poser maintenant, parce qu'on va venir petit à petit avec ce bouquin. On a vu que là, c'est une structure donc en deux temps, hein, une fiction, une autobiographie. Ces deux petits livres sont sortis en même temps. Donc ma première question, c'est est-ce qu'ils ont été écrits ensemble? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. La réponse est claire et nette. Voilà, on n'en saura pas plus là-dessus, mais on va y travailler. Et on retrouve plus ou moins cette même volonté que dans la chambre d'écho. C'est-à-dire un texte va en éclairer un autre. On ne cesse de mieux comprendre l'un en lisant l'autre et vice-versa, et ça renvoie sans arrêt. Alors, pas du tout écrit en même temps, mais est-ce qu'il y avait cette volonté que les textes s'auto-expliquent ou s'auto-éclairent? Non, pas du tout. Il se trouve que je n'ai pu que constater qu'effectivement les textes s'éclairaient l'un l'autre et traitaient un peu à peu près des mêmes sujets. Mais 90 motifs, c'est un tissage en fait de trois textes, dont un est assez, enfin peut-être plus de 10 ans, quoi, est assez ancien. Vianney est beaucoup plus récent et s'est écrit de manière plus linéaire, assez facilement en fait, alors que l'autre a vraiment été construit à partir de plusieurs textes et de manière un peu plus laborieuse, je dirais. Il y en a un qui est intitulé roman, l'autre récit. Hein? Non. C'est récit et récit. Récit et récit, pardon. D'accord. Récit et récit. Dites-nous un petit mot quand même sur Vianney. De quoi s'agit-il? C'est pas à moi de le dire au public. Résumez un tout petit peu vite fait. Alors je dirais, je résume le début. En fait, une femme reçoit une lettre d'une administration lui indiquant que son mari, avec qui elle ne vit plus depuis longtemps et avec qui elle a vécu assez peu, en fait, a quitté l'appartement et déclaré absent. Et donc on lui demande de venir chercher les biens qui sont dans cet appartement. Et donc elle entreprend un voyage vers cet appartement et vers cet homme qu'elle a assez peu connu et dont elle n'a plus de nouvelles depuis longtemps. Donc vers un absent, en fait. D'accord. Est-ce que ces deux livres ont corroboré cette volonté de brouiller les pistes entre fiction et réalité? Est-ce que délibérément, vous en avez fait votre beurre? Oui. Enfin, dans 90 motifs en particulier, en fait, où ce texte où j'ai mêlé. Où j'ai mêlé, en fait, il y a des fragments de mon journal dans le texte, donc qui sont masqués avec des fragments de fiction et puis quelques souvenirs, et aussi il y a des choses, des lieux dans lesquels je vis, des lieux que voilà, dans lesquels je me promène. Délibérément, effectivement, là, il y a une volonté on peut dire, d'autofiction, de mélange des deux. Et j'ai vraiment aimé, enfin, j'ai eu du plaisir à jouer avec ça. Oui. Vous avez conscience que l'un éclaire l'autre et vice-versa. Oui, parce que je les ai lus. Donc, J'en étais pas sûr tout à l'heure d'après notre conversation, j'étais pas trop sûr de ça. C'est bien. Si, si, c'est oui. bien. Alors avec des thèmes nouveaux qui apparaissent dans l'un et dans l'autre, notamment bon, sur le milieu familial, sur la mémoire, il y a de très belles pages aussi sur la mémoire. Dans le premier texte apparaissait la figure du grand-père. Là, on aperçoit dans l'un, je crois que c'est dans celui-ci, la figure de la mère. Hein, et puis, je crois, le père, on le trouve là dans le Ouais, dernier. dans Vianney, il est question d'un père aussi. Oui, d'accord. Alors, avant de continuer, quand même, je vais vous demander de lire un petit quelque chose qui devrait faire bondir quelques-uns. Quelques personnes de notre public qui sont des grands voyageurs et qui pensent que le voyage, effectivement. Moi, je ne regarde personne, Catherine et Daniel. Que le voyage ouvre les esprits, que le voyage. Alors, Frédéric a une conception un peu particulière. Je pensais que c'était juste une fois, mais ça revient dans celui-ci. Lisez-nous ça, votre conception du voyage. Non, non, mais ce sont vos mots, hein, ce n'est pas les miens. Hein. Qu'il faille un certain courage pour rester chez soi, pour afficher sa paresse et son incuriosité de l'ailleurs, on le comprend. Par une étrange presbytie collective, ce qui est digne d'intérêt se trouve toujours loin, incapable que nous sommes de le voir dans les détails et dans les infinies subtilités que nous avons sous les yeux. Il faut supporter, stoïque, les regards apitoyés que l'on porte sur vous quand, de retour de congé, vous devez avouer que vous êtes resté toutes ces semaines à la maison, tandis que les autres se sont gavés d'images, de soleil, de bédouins et d'inuits, de souks et d'igloos, de papayes et de bananes cueillies sur l'arbre. Ici, le fleuve a poursuivi sa décrue, des bancs de sable sont plus nombreux, on a fait la cueillette des prunes sauvages et des mûres, c'est maigre. Cela fait peu à raconter, rien à montrer à celui qui, bronzé, rêve encore de sa pension complète et de la piscine d'eau de mer. Je continue. Oui, bien sûr, il faut assumer. Hein. Restant à mon point d'ancrage, je regarde s'agiter le monde. Ce qui me tient loin des ailleurs exotiques, une lente prise de conscience que le lointain n'est pas ma distance. D'ailleurs, je suis myope et ne vois pas plus loin que ma main. Le corps a souvent raison avant la tête. Faire et défaire la valise, s'escrimer sur des horaires de train ou d'autocar qui n'arrivent jamais, s'user les yeux à tout voir, empiffrer sa mémoire de souvenirs, se poser sans répit des questions qui ne trouveront pas de réponse, s'épuiser dans une langue qui gardera à jamais son mystère, tout cela, loin de m'enchanter, épuise les ressources fort limitées. La fatigue m'a fait abandonner la route. Je n'ai plus le courage de courir après l'eau, je me contente de la regarder s'écouler. Ce n'est pas une défaite, plutôt un recentrage qui s'est effectué progressivement. Il faut un jour se débarrasser des vêtements qui ne vous vont plus. J'en ai terminé aujourd'hui avec les passeports, les aéroports et les guides touristiques. On est dans la fiction pure. Ben là, Alors, pas vraiment. Curieusement, dans ce dernier livre, donc tout récent, on retrouve encore « Les voyages ne tiennent jamais leurs promesses ». Chaque destination se découvre être un leurre, alors qu'il est trop tard et que, pris au piège, il ne reste plus qu'à attendre la date prévue pour le retour. Bon, je ne vous poserai pas des questions sur vos derniers voyages. Dans la chambre d'écho, il y a quelque chose qui va devenir intéressant. Quand vous parlez de... Je ne vais pas mettre mes lunettes. Non, non, voilà. Voilà, ceux qui répètent les mêmes pas ont une chance de creuser un sillon. Ceux qui creusent un sillon ont une chance d'y voir germer du vivant. Est-ce que vous êtes en train de faire, creuser un sillon? Oui, en écriture comme en, enfin comme en, plus prosaïquement dans la marche ou dans la, ou dans la, ou dans le regard. Mais oui, c'est, je sens, je, c'est pas une démarche volontaire, mais c'est exactement oui ce que je suis en train de faire. D'accord. Avec cette volonté, comme vous le dites, de travailler dans un espace rétréci où vous pouvez identifier les choses. Et je crois que vous avez une possibilité séduisante d'assouvissement, mais vous dites à un moment, peut-être au lieu d'explorer tout ça, d'avoir un espace public où vous pourrez, vous serez capable de nommer chaque arbre par son nom. Il y a que sur un espace restreint qu'on peut viser à être exhaustif, quoi. Enfin, D'accord. D'accord, donc on en revient toujours à ces lieux d'oubli, ce regard, etc. Il me semble que vous aviez une phrase, je ne sais plus dans quel livre, parce que tout est tellement cohérent que j'en oublie. J'en reviens à cette image de l'enfant perçu à travers les persiennes, où vous dites que si ça n'avait pas été cette image d'un gamin en train de taper obsessionnellement dans une balle, si ça avait été un grand fleuve qui passait dessous, peut-être que votre écriture en eût été. Peut-être. C'est tout ce que vous avez à dire. Mais je peux pas Vous vous savoir. rendez compte de la longueur de mes questions pour arriver à un simple peut-être? C'est une supposition, mais c'est, ça me paraît possible, oui. D'accord. Que le regard serait conditionné comme ça par des images qui datent Le de regard, l'enfance. pas que le regard, peut-être que mon écriture aurait été complètement différente aussi. D'accord. Alors, avant d'aborder le dernier livre, est-ce que vous avez conscience que parfois les mêmes phrases se retrouvent d'un livre à l'autre? Alors, s'il faut donner un exemple, on va y aller. Heureusement que je prends des notes. Hein. Alors, qui montre bien à quel point là vous brouillez les pistes totalement. Mais pour le lecteur que nous sommes, c'est assez troublant. Alors, je ne sais pas lequel a été écrit en premier, qu'importe. Je commence par Vianney, page 72. Page 72. Dans la chaleur torride de cet été, la terre était devenue si sèche qu'elle semblait infécondable. Trop de soleil tue la vie. Vianney était pourtant parti, laissant en moi un corps étranger. Page 37 de 90 motifs. La terre si sèche qu'elle semblait infécondable. Trop de soleil tue la vie. Tu es pourtant parti, en laissant dans mon corps un corps étranger. Alors, bon, vous en êtes consciente, Oui, là bien c'était un évidemment, clin mais d'œil. qu'est-ce que vous cherchez à faire là? À nous troubler, à établir des passerelles, à montrer que les choses se tiennent, même si on est dans des fictions ou dans des autofictions, qu'il y a une cohérence dans tout ça? Il y a une part de jeu, pas de jeu JEU, de jeu aussi, mais il y a une part de jeu en fait en, voilà, par ces tout petits fragments que je laisse un peu comme des cailloux de poussée. Après, le projet plus vaste de donner une cohérence, enfin, voilà, il se fait tout seul, enfin, c'est pas forcément volontaire de ma part. Il se trouve que ce sont toujours les mêmes thématiques vers lesquelles je reviens et que ce qui me travaille se retrouve et traverse tous les livres. Là, oui, c'était plus un peu un petit clin d'œil, en fait. Alors cette notion de jeu, elle revient assez souvent, effectivement, jouer, commencer le jeu, tout est un jeu. C'est votre conception de l'écriture, de jouer? C'est pas ma principale conception de l'écriture, mais ça fait partie, oui, des plaisirs de l'écriture. Il n'y a pas que des plaisirs dans l'écriture, voilà, ça en fait partie. Alors le jeu est pour troubler le lecteur ou pour se dissimuler? Pas obligé de répondre, hein, vous avez toujours un droit de non-réponse, mais voilà. Pourquoi jouer, si c'est jouer avec nous, effectivement, moi ça m'a troublé de retrouver des mêmes éléments comme ça, mais la question du pourquoi se pose. C'est les deux, je pense. Enfin, il y a une part de je me cache, est-ce que tu vas me trouver? Voilà, ça je trouve ça assez. Moi, ça me plaît assez. Sachant que sur des. Voilà, tout le monde ne verra pas, même si les deux livres, tout le monde ne verra pas ce tout petit fragment. C'est pas le seul. Ouais, je sais. Là, c'était parce que c'était vraiment plusieurs lignes. Ouais. Mais il y a des tas de thématiques, d'images qui se retrouvent d'un livre à l'autre, qui créent une certaine cohérence et qui accréditent dans la tête du lecteur la notion de vraisemblance, oui, voilà. La notion d'autobiographie. On ne va pas inventer deux fois les mêmes fictions, les mêmes mensonges. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Une petite phrase qui m'a semblé faire transition avec celui-ci, donc qui vient juste de paraître, « Courir à l'aube ». Cette petite phrase, elle se trouve dans 90 motifs, à la page 59, où il est dit « La ville surexposée, aplatie sous le soleil blanc, figée, ma vie surexposée, dite et redite. » Ville surexposée, vie surexposée. De quoi s'agit-il dans ce livre, si ce n'est pas justement une ville surexposée? On ne sait trop à quoi, d'ailleurs. Alors, dites-moi un tout petit mot. Là-dessus, C'est quoi la question? c'est dur de poser des questions. une phrase que qui m'a semblé transition en jouant sur l'homophonie, donc ville et vie, la ville surexposée, ma vie surexposée. Est-ce que dans ce livre, il n'y a pas un petit peu de ça, c'est-à-dire une ville surexposée et une vie qui par conséquent se retrouve elle aussi surexposée, puisque là on plonge dans une intimité quand même très particulière? J'avais pas forcément vu le lien, mais ouais. Dans 90 motifs, ma vie surexposée était vraiment l'idée que y avait beaucoup de choses intimes en fait dans le texte. Courir à l'eau me semble plus romanesque, je pensais être mieux cachée dans Courir à l'eau. Visiblement, c'est pas forcément le cas. je n'ai pas dit votre vie qui est surexposée, oui. Mais la vie de la narratrice est surexposée. Quand même particulièrement surexposée. Oui. Il faut que je réfléchisse à ça. D'accord. Bon, on se revoit la semaine prochaine, vous passerez. De quoi s'agit-il dans Courir à l'aube? Je ferai mon résumé après, mais faites-le vous d'abord. Alors, comme pour Vianney, je donnerai les premières... Quelques éléments. Quelques éléments, les premières pistes, en fait. Donc, la narratrice vit seule dans un appartement, et on comprend très vite ce qui s'est passé dans la ville ou dans un territoire plus vaste, une catastrophe, en fait. Donc, il y a plusieurs années de ça, et elle tente, en fait, de se reconstruire. Et c'est un peu l'histoire d'une reconstruction. On va comprendre, alors sans aller trop loin dans le récit, mais qu'en fait, évidemment, la catastrophe est aussi une catastrophe intime. Donc je donne quelques indices, en fait, au fur et à mesure de la narration. Alors, la ville surexposée, effectivement, surexposée à un événement qui n'est jamais nommé, qui pourrait être un attentat terroriste, un cataclysme naturel, une guerre, un incendie, parce qu'il est beaucoup question de feu aussi. Et cette narratrice qui effectivement court dans la ville. Le récit commence plus comme quelqu'un qui court dans la ville. Puis, peu à peu, il y a des images qui surviennent où on se dit il s'est passé quelque chose. La ville n'est plus ce qu'elle était. Il y a des ruines, il y a des feux, il y a des choses qui ont été perdues, etc. Est-ce que ce roman, Courir à l'aube, s'inscrit dans ce même sillon que les autres? Ou est-ce que là, vous avez voulu partir vers autre chose? Il est quand même écrit roman sur celui-ci, alors que jusque-là, on n'en était qu'à des récits. Il y a quand même une partie plus fictionnelle et plus romanesque, justement, tout ce qui tourne autour de ce désastre qui n'est pas nommé, mais dont on peut reconnaître des éléments... de divers éléments que chacun a vu ou a vécu. Il se mêle toujours, alors voilà, avec une partie plus intime et qu'on retrouve dans les autres livres où il y a notamment un absent, voilà, qui a un rôle important dans le livre. Donc c'est peut-être là ma vie surexposée. Oui. C'est effectivement qu'on revient sur cette absence dont on en apprend davantage au fil du roman, et la ville surexposée. Effectivement, il s'est passé quelque chose qui n'est jamais nommé, on ne sait pas trop quoi. On voit que ça a été une catastrophe, on finit par en douter après, mais bon, ça c'est autre chose. Ça serait peut-être bien si vous nous lisiez un petit bout qu'on vous entende de ça. Hein, j'avais sélectionné l'extrait 13-15 qui est assez parlant, je crois, pour ouvrir ce livre. Ils impriment petit. Hein, Alors en fait, chaque chapitre s'ouvre sur un petit chapeau, en fait, où il y a quelques éléments du chapitre à venir. Donc je vous lis juste cette toute petite introduction, puis l'extrait. Quand l'incendie du bonhomme Hiver rappelle d'autres incendies, dévaler des escaliers, se cacher derrière des masques, l'expérience de la peur est inachevable. C'est le petit chapeau, le petit épigraphe, qui n'est pas d'ailleurs bon vers ça. Écrire n'éclaircit rien, ne résout rien, qu'entreprendre de mieux. Le regard ne suffit pas à faire tenir la vie. Je crois encore sentir la fumée et me lève pour vérifier la limpidité du ciel. Trois fois valent mieux qu'une. Le feu m'obsède, me colle à la peau comme un mauvais souvenir. Ce matin, très tôt, tous les volets alentours sont clos, le soleil encore caché derrière les toits. Je n'ai pas hâte de revoir sa pleine lumière ce matin. Je prolonge l'attente dans un désir de digression. Il y a longtemps, mon écriture se nourrissait d'ellipses. Aujourd'hui, j'y laisse entrer le tout venant, sans hiérarchie. Le lever de soleil, aujourd'hui, y prend place. Loin, au-dessus du dernier toit accessible à ma vue, un halo jaune monte, une matière qui déborde, puis une mince bande de lumière s'inscrit verticale, précise, sur le mur gris de la pièce, avant de se répandre en un rectangle doré. Présence charnelle. Je peux la toucher. Le mur reste froid. Le ciel bascule et le gris reprend sa place. L'illusion cède une nouvelle fois. L'espace encadré derrière la vitre, je ne peux ni le nommer, ni le toucher. C'est un vide qui contient le drame qui s'est joué et dont il ne subsiste aucun vestige. La surprise est grande de revoir les oiseaux ou ce figuier qui pousse sur le terrain vague. Il y a eu de la fumée et des éclats de matière projetés bien plus haut que mon 8e étage. J'ai vu une femme, cheveux et vêtements en feu. J'ai vu les feuillages des arbres souffler d'un coup, les arbres chauves en une seconde. Tout a ressurgi très vite, très fort, à l'apparition de la fumée de Monsieur Hiver. Dans ma tête, les aspérités se lissent, le cerveau se défroisse, se détend. Je ne crains plus ce qui m'a enfermé progressivement, pas peur de mourir étouffé. Mes poumons et ma tête se sont habitués à cet air raréfié. Je respire moins, mange moins, et presque abandonné les livres. Seul le 8e étage et la course à pied laissent un peu d'air circuler en moi. En posant la tête sur l'appui du dossier, je ne vois que le ciel. Ce matin, il est transparent, parfait. J'ai passé le plus clair de ces années à observer par la fenêtre des roses, des jaunes, des blancs, des gris et des bleus, du propre et du sale, du limpide, du cristallin, du coupant, des pluies, des orages. De la buée qui masque le dehors et fait de l'appartement un cocon. De la neige, et je me recroquevillais dans le fauteuil en mitouflé sous une couverture. Et du noir, dans l'ensemble de ses nuances, de la cendre à la suie, du profond au léger, de l'angoissant au lumineux, du trop grand au trop petit. Des rubans des tourneaux, les pigeons demeurent plus bas, paraissent sous incapacité, je les entends roucouler sur l'appui de la fenêtre du 6e. J'ai une paire de jumelles dont je me sers parfois pour espionner un lointain appartement vide. J'ai condamné 2 des 4 pièces, n'occupant que la salle de séjour et la chambre, tentant d'oublier ce qui se trouve derrière les portes closes. Inutile d'étendre le territoire des souffrances. Séparant les espaces, je cloisonne les souvenirs, évite les plus vives atteintes et me mets à l'abri des fantômes. Merci. On retrouve cette approche de l'écriture Il y a longtemps, mon écriture se nourrissait d'ellipses. Aujourd'hui, je laisse entrer le tout venant sans hiérarchie. Ça nous renvoie quand même au livre précédent, ça. Mes fictions à partir de trois fois rien. Ouais. Et ce drame dont on ne sait de quoi il s'agit. Bon, effectivement, il y a une femme qui avait les cheveux et vêtements en feu. Ça peut être aussi bien un attentat qu'un incendie. Vous avez une autre phrase un tout petit peu... Vous parlez d'un lundi noir. Il est souvent question d'un lundi noir. Vous avez une autre phrase un peu plus loin, qui là est beaucoup plus troublante. Même pas sûr que nous ayons vécu le même événement. C'était un peu l'idée, en fait, que chacun s'approprie un événement, qui soit catastrophique ou pas, d'ailleurs. Se l'approprie, et puis on fait sa propre matière, en fait. Alors, non seulement on ne vit pas tous l'événement de la même manière, en plus, il y a le travail de la mémoire là-dessus, qui fait que, 10 ans après, l'événement n'est plus du tout le même chez chacun. Chacun en a fait sa propre histoire, en fait. D'accord. Il n'y a pas une autre explication ? Je sais pas. Peut-être. Non, je vous demande, je questionne là-dessus. Un drame, il s'est passé un drame dans la ville qui n'est jamais nommé comme tel. Et vous dites plus loin qu'effectivement, on n'est même pas sûr qu'on l'ait tous vécu de la même manière. Et en plus, vous avez parlé tout à l'heure d'un drame intimiste. Est-ce que le drame est une réalité ou pas ? C'est la question que moi je me suis posée assez loin dans le texte Et ça, vous avez quoi à dire là-dessus ? J'ai pas de réponse. En fait, c'est au lecteur de se faire son idée sur le. Est-ce que la catastrophe a effectivement eu lieu ou est-ce qu'il s'agit juste d'un événement personnel et intime ? Qui a été transposé, transposé par l'écriture, transposé par l'écrivain, transposé par le personnage, à différentes strates, tout est possible en fait. Vous n'êtes pas très bienveillante envers vos lecteurs, parce que c'est troublant pour nous autres, ça. Oui, j'espère bien. C'est troublant parce qu'on reconnaît l'écriture ici. Un petit peu plus loin, vous parlez d'un fauteuil que l'on retrouve, le fauteuil en cuir vert, on le retrouve par tous les trucs, se recroqueviller dans le fauteuil, s'emmitoufler, restreindre ses espaces. On l'a vu, ça, déjà. D'accord ? Séparant les espaces, je cloisonne les souvenirs. Donc, on retrouve la même narratrice, et en même temps, vous semez toujours des éléments qui, nous, lecteurs, nous troublent. Mais la narratrice est écrivain. Enfin, elle écrit dans des cahiers. Donc, elle a aussi ce statut... en doublant du mien, évidemment, où elle peut se permettre, en fait, de dire « je, écrivain, mais je vous raconte pas forcément la vérité, quoi. » Alors, elle écrit ou elle essaye d'écrire puisqu'elle a quand même un petit peu de... Elle a écrit. Un petit peu de peine, oui, elle a écrit. Il y a plusieurs allusions qui sont faites... à la mère, effectivement, dans 90 motifs, au grand-père dans la chambre d'écho, et là, on aborde la question du père de la narratrice, et là aussi, ça introduit un certain trouble, parce que les versions divergent plus ou moins. Et là, c'est volontaire aussi, c'est aussi pour nous montrer que on est dans la fiction. Ça va un peu plus loin que ça, en fait. C'est pour montrer que la narratrice étant écrivain, elle a tous les droits, y compris celui de donner différentes versions, ou de son père, ou de la rencontre, parce qu'elle, les questions de cet absent qui était l'homme qu'elle aimait. Elle use de ce pouvoir de création, en fait, dans le livre, pour dire, je raconte cet épisode de mon enfance, cet épisode avec mon père, ou je raconte ma rencontre avec cet homme, Mais 20 pages plus loin, je vous raconterai une autre version en fait. D'accord. Et 20 pages plus loin, cette fois, je vais dire la vérité. Ouais, mais du coup, on et saura. Qui est encore pas la vérité. On saura vous avez conscience quand même que tout ça, c'est dur pour nous. Hein. Dur de vous suivre. Brouiller les pistes, ça, là, vous y arrivez très bien. Vous avez une très belle phrase un petit peu plus loin. Je reviens sur le père, où effectivement, le père, bon, parti, plus ou moins engagé dans des milices mercenaires en Yougoslavie, etc. Photographe, on pense. Bon, enfin, tiens. Vous avez une très très belle phrase sur l'écriture, mais là, qui vous résume bien. Je laisse passer des morceaux de moi dans le tamis serré de l'écriture. Oui, c'est exactement ça, en fait. Après, il n'y a plus que moi qui sait où ils sont. Mais... D'accord. Ce qui est troublant pour nous, c'est que vous brouillez les pistes, mais vous restez cohérente malgré tout. C'est-à-dire, la narratrice reste cohérente. On la retrouve d'un livre à l'autre. Mmh. Mais il y a toujours un petit dérapage qui fait que ce n'est pas toujours la même personne. Il y a un point commun entre ce livre et puis je crois que c'est 90 motifs, c'est que d'un seul coup, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Il y a une adresse à un tu, qui est donc cet absent. Voilà, d'un seul coup, la narratrice s'adresse à un tu. Et là, oui, sporadique d'abord et puis ensuite de manière plus systématique. Pourquoi ce besoin d'un seul coup de s'adresser à quelqu'un qui n'est plus. Qui est absent. Hein. Qui est absent, oui. Là, je vous pose la question, je vous dirai après l'effet que ça procure que ça produit chez le lecteur. C'est des choses que je fais pas consciemment. Donc après, pour trouver des explications, y a une idée de... Alors, dans Vianney, c'était utilisé aussi plus sous forme de lettres. C'était presque plus normal. C'était presque plus normal, mais peut-être il y a une idée de faire refaire surgir ce personnage qui est ce personnage d'absent par le tu, de l'interpeller, de le faire rentrer peut-être dans la narration de manière plus vive, je dirais, et plus intime que si je disais il ou si je lui donnais un prénom, enfin voilà, où ça serait peut-être plus banal, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de l'effet que ça produit sur le lecteur ? Non, mais je vais peut-être pas tarder à le savoir. Tu vois, il y a peut-être d'autres qui ont envie de dire ça. Ça produit une certaine rupture dans le récit, une rupture de ton dans le récit. Mm-hmm. Non, tu es pas. Ben si, bon, on n'est pas nombreux à l'avoir lu. On en a parlé, donc comme on a parlé voilà. En. Voilà. Et voilà, il y a une sorte de rupture d'un seul coup, de rupture de ton dans le récit où. On quitte la ville fantasmatique avec cette catastrophe, ce personnage, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus intime qui se joue entre la narratrice et cet absent à qui elle parle. Ça resserre le texte en même temps. Ouais, dans les autres, c'était plus mêlé dans le texte, donc au rire à l'aube, le tu est réservé quand même à ce que j'appelle des épigraphes, à des parties du texte qui sont quand même bien identifiées, me semble-t-il. Donc effectivement, il y a rupture, mais c'est peut-être moins problématique, entre guillemets, que c'est quand pas, c'est pas des... problématique. Hein, je dis pas, c'est pas du tout un jugement de valeur. Je dis que c'est troublant pour nos autres lecteurs. C'est-à-dire que on vous suit avec extrêmement de bienveillance. On n'est pas toujours sûr de bien y arriver. D'accord. Par moments, je l'ai perdu. On la retrouve un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de troublant, comme cette ville qui n'est pas tout à fait précisée, décrite dans sa catastrophe, cette catastrophe qui elle-même n'est pas identifiée, ce personnage est absent. Voilà, il y a quelque chose qui se passe dans ces changements, dans ces ruptures de ton. Vous nous lisez un autre petit bout qu'on avance dans le livre. Donc on ne va pas très loin, c'est page 50. Vous pouvez lire l'épigraphe si vous voulez aussi. Alors, ben voilà, justement, c'est un texte qui s'adresse à l'absent. Première épigraphe à l'amant disparu, première version de la rencontre, il y en aura d'autres. Entre fantasme et réalité, la narratrice se perd, crée des mythes et mystifie le lecteur. Une guitare à 9 cordes, ouvrir les yeux et découvrir une eau morte. Je m'enfonce dans la peine, comme un navire coule inéluctablement sous les yeux des passagers sauvés, et je veux te raconter ceci que j'imagine. Puisque le futur ne débouche que sur le néant, j'invente, en remontant pas à pas le passé. Assise au bord du lit, dans la nuit noire de l'appartement, j'entreprends la construction de notre histoire à partir de détails tirés des méandres de mon cerveau, zone de pêche poissonneuse. La neurochirurgie a fait de formidables progrès après la catastrophe. On pourrait, avec bonheur, observer ce qui s'agite sous mon crâne, ce que j'en ai extrait, ce qui germe encore. J'aimerais te raconter, à mesure que les mots viennent, te les porter dans ton inaccessible lointain, ou te les dire à l'oreille, mon corps collé au tien, épousant ton dos et le creux de tes cuisses, ma main posée sur ton ventre, pour en sentir les vibrations. Ce n'est plus possible. Nous sommes séparés, dissociés pour toujours. La guitare que tu as laissée ici a donné le signal, cette guitare à 9 cordes que tu disais avoir inventée et dont tu étais seul capable de jouer. Tu faisais sonner les cordes serrées sur le manche à une fabuleuse vitesse. Tu dégringolais sur les filins. Je dévale l'escalier d'un pied sûr, légère et précise. C'est à ta musique que je pense lorsque je fais mes petits exercices de voltige sur le ciment. Tu riais quand tes doigts prenaient un certain rythme, au-delà de la concentration, libre. Le terme d'allégresse me vient maintenant au bout du crayon qui semble aller seul, sans s'occuper de moi. Lorsque je t'écoutais, je n'avais pas besoin de mots. Le ronronnement du réfrigérateur berce la nuit. Dans les intervalles de fonctionnement de la machine, l'absence totale de bruit semble accroître l'obscurité. Avant, je rêvais d'une telle paix parce qu'elle n'existait pas, parce que je ne pouvais même pas concevoir sa réalité, son étendue, son épaisseur. Au bord du matelas à même le sol, je peux commodément poser mes coudes sur les genoux, pliés en trois, bien serrés, le poids du silence sur mes os. Je voudrais que la musique revienne à mes oreilles, telles les images d'une terre natale aimée. Rien. Je pense à la musique, je ne l'entends plus. Tout est calme, tout est mort. C'est un beau passage, ça. Pourquoi ce besoin de mettre des épigraphes qui n'en sont pas tout à fait en tête de chapitre? Vous voyez ce qu'on entend par épigraphe dans les romans? On trouve ça chez Rousseau, chez Diderot. Comment le narrateur rencontre ceci, comment il advient que, etc. C'est un petit peu une sorte de petit résumé qui n'en sait. Là, ça ne sont pas tout à fait, mais pourquoi ce besoin de revenir à cette forme un peu désuète, un peu ancienne? Oui, c'est vrai, c'est une forme qui n'est plus utilisée depuis longtemps. Il y a, je ne sais pas, c'est l'idée de mettre voilà, encore une fois, des petits cailloux pour aiguiser l'attention, pour peut-être recentrer aussi le lecteur sur quelques détails, dans l'hypothèse où il serait vraiment égaré. Et cette forme me plaisait assez, en fait. Dans ce côté un petit peu désuet, ouais. D'accord. Sauf que dans l'épigraphe, vous ne vous contentez pas d'annoncer, vous commentez quand vous dites première version de la rencontre avec l'amant. Il y en aura d'autres. D'accord, c'est bon, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Entre fantasmes et les réalités, la narratrice se perd, crée des mythes et mystifie le lecteur. Ça y est, vous nous prenez déjà la partie. Alors en fait, l'écrivain là réintervient dans le texte de manière plus visible, on va dire, et rejoint la narratrice d'une certaine manière, il reprend un peu le pouvoir peut-être sur le texte. Donc vous nous dites en quelque sorte, ne croyez pas un mot de ce que voilà, j'écris. Voilà, c'est ça. D'accord. Surtout. aucune bienveillance à notre égard. Et un petit peu plus loin. Donc, après avoir raconté cette première rencontre avec l'amant, vous dites « j'invente », et puis un tout petit peu plus loin, « j'invente pas totalement ». Oui, c'est toujours la même idée, de distiller des fausses pistes, en fait. Je crois que c'est ça un peu l'idée. C'est de constamment jouer avec le lecteur en lui faisant croire à un moment donné... une vérité que je mettrai à bas quelques pages plus loin. Oui, est-ce que c'est pas repousser l'échéance où il va bien falloir la dire, cette réalité? Oui, tout à fait. Oui. Il y a de ça un petit peu quand même. Hein. Vous avez une expression amusante un peu plus loin, quand vous dites « je donne de la cohérence à ce qui en est dépourvu, épaissit le réel pour que nous tenions mieux debout ». Cette expression de « tenir debout », elle revient assez régulièrement. Mm. Et l'amant en question lui disait « épaissir la soupe », ce qui est déjà nettement plus, nettement plus terre à terre. Et ça veut dire quoi, ça, cette expression « mieux tenir debout » ? Mieux faire face à l'événement, c'est voilà ce que je disais, c'est de donner de la cohérence à des choses qui n'en ont pas, donner des, essayer de trouver un sens à des événements qui en sont complètement dépourvus. Je crois que c'est ça, tenir debout, essayer de tenir debout. Et alors, est-ce que le drame qui s'est joué dans la ville appelle aussi de, enfin, nous incite aussi à tenir debout, nous lecteurs. Ben, nous, lecteurs, la narratrice, on est tous pris là-dedans, on est tous dans le même truc. Oui. Enfin, y a une, y a aussi une idée de, je dirais, de tenir debout dans notre monde contemporain aussi. Enfin, y a un peu ça aussi dans le livre. Y a pas que l'intime, il y a aussi, voilà, il y a une catastrophe dont on peut dire qu'elle est en partie écologique aussi. Enfin, y a des choses comme ça qui oui, me traversent tout, et qui, ouais, voilà, ouais. Et qui disent aussi, ben voilà, faut résister, faut tenir debout, faut pas. Donc on en revient quand même à cette amalgame entre la ville et la vie. La ville aussi doit tenir debout après cette catastrophe, doit se reconstruire, et la narratrice également. C'est un autre type de catastrophe, mais comme elle n'est pas nommée, en fait, c'est la catastrophe avec un grand C. Voilà, il n'y a rien d'autre qui... Page 63, encore une fois, vous revenez dans les petits... Toujours les mêmes petites... Petite épigraphe. Une, Valérie? Une épigraphe. C'est elle, la correctrice. Une épigraphe. Qui commence comme ça. La ville est territoire de fiction. D'accord, les zones dévastées contaminent tout. Donc là, les choses sont dites quand même. La ville est territoire de fiction. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La ville est l'image de la narratrice, et la narratrice est l'image de la ville. Enfin, c'est, tout ça est mêlé et se mêle aussi grâce à l'écriture. C'est l'idée aussi que finalement tout. Enfin, c'est bête à dire, mais tout ce livre tient par l'écriture. Et sauf que d'habitude c'est pas dit, que là c'est dit, quoi. Je sais pas si je suis claire. Si. Donc cette narratrice, on a bien compris qu'elle était écrivaine, auteure, pour faire plaisir à Françoise, auteure, et qu'elle essaye elle aussi de se reconstruire, de se reconstruire par l'écriture, et peut-être aussi de reconstruire son écriture, puisqu'elle dit bien qu'il n'y a plus, y a plus grand chose qui reste, parce que ça c'est un élément. Dites-nous ce qui arrive à son écriture à cause de cette catastrophe. Il y a quelque chose qui est dit là pour le coup. Ah, j'ai pas noté la page, il va me falloir un temps fou. Même moment qu'elle trouve la montre, qu'est-ce qu'elle cherchait ? Les pages de son manuscrit, c'était. Voilà. C'est bien répondu. Si on l'avait écrit sur ce livre. Voilà. Oui, en fait, il y a un petit flashback en fait, où il y a une explosion, où les pages du manuscrit se sont envolées, et ça revient un peu comme un leitmotiv en fait, dans le livre, où elle jette dans des petits foyers d'incendie, enfin des foyers d'incendie dont elle n'explique pas tellement la provenance, qui peuvent avoir plusieurs provenances. Elle jette à chaque fois en témoignage ou en mémoire une feuille de son cahier, une feuille de son manuscrit. Donc la catastrophe, elle est là aussi. Le drame qui n'est pas mentionné, c'est aussi le drame de l'écriture qui est partie. On revient à cette notion de silence. Vous voyez, c'est quand même assez mêlé tout ça. Ville-vie, là, vous vous y connaissez pour brouiller effectivement les choses, pour tresser les choses. En toute beauté, hein, je dois dire, c'est extrêmement beau, extrêmement poétique. Le lecteur a besoin de relire deux fois le texte pour mieux comprendre. Je crois que quand on est à la fin, on a besoin de relire le début. C'est l'impression que j'ai eue, moi. Je sais pas, c'est. Alors, ces petits feux, justement, vous en parlez, l'apparition de feux dans la nuit. Comme ça, la narratrice voit des petits feux qui s'allument, etc. Quelle symbolique vous leur donnez à ces feux? Parce que vous dites qu'ils sont d'origine différente. Et vous avez même quelque chose un peu amusant où vous remettez un peu en question les paroles des autorités. Je lis où, La rumeur parle d'une recrudescence d'incendies inexpliqués. On voudrait nous faire croire que des foyers couvent depuis 10 ans qui se déclenchent aujourd'hui spontanément, à d'autres. Donc cette version-là, elle ne tient pas. Alors, en fait, il n'y a pas d'explication à ces foyers d'incendie. Ce sont juste des signes, en fait. Enfin, en tout cas, la narratrice les prend comme des signes qu'on lui adresserait. Qu'on lui adresserait et vers lesquels elle court, en fait, donc des lumières, de la chaleur, enfin quelque chose d'humain, parce que c'est vrai que il y a une solitude et très, très peu d'humanité dans le livre. Et donc ces foyers ont forcément, puisqu'il y a d'autres, voilà, ils sont forcément été allumés par des mains d'hommes, et elle veut les prendre comme des signes qu'on lui adresserait, en fait. Donc elle court vers ses foyers, évidemment, quand elle arrive, en général, où elle ne les trouve pas, où il n'y a plus rien. D'accord, des signes de vie. Des signes de vie, voilà. Alors il y a deux exemples quand même par rapport à ces incendies, donc là vous allez nous en dire un mot. Mathieu. Mathieu, c'est un rescapé de la catastrophe, en fait. Qui a été grand brûlé et puis qui a vécu toutes ces années en mettant en scène, en fait, son accident, cette catastrophe, en faisant des happenings, voilà. Et puis on pouvait penser que lui, voilà, s'était tiré d'affaire de la catastrophe parce qu'il avait réussi à en faire quelque chose d'artistique, et puis finalement il meurt. Donc bien longtemps après. Il se suicide. Il se suicide. Ouais. Mais la narratrice a eu aussi, il y a un lien avec un de ses foyers qui donnerait une sorte d'explication un petit peu plus symbolique à ses foyers. La veille. Ah oui, oui. Je veux dire, c'est pour moi qui écrit le bouquin. Et ça, c'est une belle explication quand même. Alors qu'est-ce qui se passe la veille? La veille du suicide de Mathieu. À la veille du suicide de Mathieu, en fait, elle retrouve, elle arrive, en fait, à force de recherche et de course, elle arrive à un foyer qui n'est pas éteint. Donc qui est toujours là, mais on n'en saura pas plus. Ben si, quand même, là il y a une symbolique qui me semble assez évidente. Elle fait brûler quelques pages dans ce foyer, et je crois qu'elle l'éteint même, le foyer. Hein, si ma mémoire est bonne, et le lendemain, Mathieu n'est plus là. Non, mais je sais pas. Hein. D'accord. Et puis la deuxième... Après, l'interprétation, elle peut... Ah, c'est pas des interprétations, ce sont des évidences, presque. Hein. Et la deuxième, ces foyers qui font surgir des images du passé. Et là, il y a un bel exemple avec le père, quand même, et son cinéma. Donc tout ça, ça donne une sorte de sens à ces feux qui ne sont pas juste des feux comme ça, c'est la vie, c'est le passé, c'est la lumière qui éclaire. Oui, c'est sur soi. Ce sont des appels, en fait, des traces d'humanité. Enfin voilà. Ça, c'est une image poétique que j'ai trouvée très très très forte. Oui. Une dernière lecture. Je vais lire le passage sur les feux, justement. Oui. C'est là, c'est... Alors, le chapeau du chapitre. Chaque texte se construit sur les ruines du précédent. Un homme volant, un homme pendu, des fictions salvatrices. Il faut bien que la peine s'épuise. Feu de joie. Il semble qu'aucune règle ne les gouverne. Là, un soir, ailleurs, un midi, un repas que l'on cuit peut-être. Aujourd'hui, à l'aube, pour se dégourdir de la nuit. Parfois, ils partent de plusieurs endroits en même temps. Une semaine peut se passer sans aucun signe. J'ai remarqué que les chantiers à l'abandon, les friches, les abords du fleuve étaient des lieux de prédilection. La nuit, l'espace sous moi se transforme en ciel étoilé. Les lueurs mouvantes font remonter quelques bribes du passé. Mon père. Nous passons des films sur son projecteur Canon Super 8. L'image défilait sur un drap tendu dans la salle à manger et l'écran ondulait dans le souffle d'une fenêtre ouverte. Une partie de volley-ball sur une plage. J'ai une dizaine d'années, avant les guerres. Et pourtant, un vrai combat se déroule de part et d'autre du filet. Nos cris muets. Le soleil éclairant crûment la scène. Mon père jouait en adulte et ne faisait aucune concession. Il voulait gagner, il gagnait, ne laissant que rarement le ballon à mes frères. Qui tenait la caméra? Pas ma mère, déjà partie. Un oncle, un ami. L'épisode est moins marquant que le silence que nous faisions quand mon père nous montrait ses films, du silence qu'il exigeait de nous. Qu'est-ce qui fait une histoire? Des détails comme cela, ou leur falsification? J'ai cru, je crois encore, que ces feux sont allumés pour moi, pour me faire signe, m'attirer. Juste des flammes jaunes ou bleues, une odeur d'essence ou de bois sec, portée par un demi-tonneau en fer, une bassine posée sur un trépied ou quelques pierres. Mon amour, mon père, un ami, un amant, quelqu'un veut me parler, je cours. J'ai l'impression de ne faire que cela, guetter, courir. On disait autrefois, planter un arbre pour fonder un royaume. Allumer un foyer peut être un autre moyen de s'approprier le terrain, comme aurait dit mon père. D'exister, comme dirait Rittenmeyer. Lorsque j'arrive, si je trouve l'endroit, ne subsiste que des braises ou de la cendre chaude. J'y jette, pour conjurer le sort, une feuille de cahier arrachée au hasard. Je contemple le papier qui s'embrase ou se consume lentement, jaunissant, puis noircissant, jusqu'à ce qu'il ne reste que des résidus illisibles, ma vie, ou la page qu'il faudra refaire demain. Je ne cherche plus les traces de celui qui a allumé pour moi cette flambée. Je sais qu'il n'y en aura pas. J'ai, en vain, né contre terre, fouillé les cendres, soulevé les pierres. Empédocle laissa l'une de ses sandales au bord du volcan avant de s'y jeter. Une preuve. Là, il n'y a rien. Rittenmeyer appelle cela une altération du réel, pour le dire plus simplement, des hallucinations. Croire qu'on m'appelle au secours, qu'on me fait signe, qu'on m'attend, alors que personne ne se soucie de moi. Je sais, mais courir c'est vivre, même si je cours après des chimères. Je ne vois les feux que lorsque je suis seule. Rien ne se produit lorsqu'un homme m'accompagne, aucun d'entre eux n'a rien remarqué. Qu'importe si je suis l'unique interpellé. Une explication pour les foyers d'une manière générale. Le personnage de Rittenmeyer, on n'en a pas encore parlé, lui aussi a son importance. Alors qui est Rittenmeyer? Donc c'est un des rescapés de la catastrophe, il est psychiatre. Il vit dans le même immeuble que la narratrice en fait. Il ne consulte plus, mais reçoit de temps à autre quelques personnes, dont la narratrice qui vient lui parler. Il y a quelques épisodes où ils échangent en fait entre eux. Mmh. Il y a une très belle image poétique de la fille du psychiatre qui met dans des cages des petits oiseaux en papier. Enfin, il n'y a plus d'oiseaux. La catastrophe a fait que les oiseaux sont partis, ils ont été décimés. Elle a recréé des oiseaux en papier. Ça, c'est très beau. Rittenmeyer appelle cela une altération du réel. Pour le dire plus simplement, des hallucinations. À qui il dit ça? À la narratrice qu'il reçoit, en fait. D'accord. Quand elle lui raconte ce qu'elle voit. D'accord. Croire qu'on m'appelle au secours, qu'on me fait signe. Croire. D'accord. J'ai l'impression d'être un psychanalyste là. Nous avons les moyens de vous faire parler. Bon. Alors justement, c'était simple. Est-ce que, en introduisant ce personnage de Rittenmeyer, ce qu'il dit à la narratrice, le mot folle ou folie revient plusieurs fois dans la bouche de la narratrice. Est-ce que finalement, c'est pas ce que vous essayez de nous dire, que ce personnage, que cette narratrice est pour le moins dérangée? C'est d'une piste, mais c'est pas la seule. Hein. Non. Allez-y, mais un peu plus. Ça peut être une piste, effectivement, qu'après la catastrophe, elle a des perturbations psychologiques, mais l'autre piste peut être aussi qu'elle est simplement écrivain et que voilà, tout ceci n'est finalement qu'une fiction qui serait à l'adresse d'un lecteur. Mmh. Puisque la narratrice est écrivain, elle peut écrire aussi qu'elle est folle. Enfin, voilà, tout est possible. D'accord, vous y revenez à ça. Oui. Le lecteur est plus troublé que vous semblez le penser. Le lecteur, quand il tombe là-dessus, pour lui, c'est une piste. C'est un éclairage. Voilà. Mmh, mmh. Rittenmeyer appelle cela une altération du réel. Voilà, cette narratrice, elle est dans cette perturbation, dans cette psychose, dans cette... on peut l'appeler comme on veut, et en fait, la catastrophe, elle la porte en elle. C'est une piste. C'est une piste, d'accord. Bon, vous voyez, il y a plusieurs pistes. C'est une explication, hein, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la seule. Est-ce que vous comprenez que le lecteur, il a besoin de comprendre quelque chose, il a besoin qu'il ne peut pas lire juste des mots, qu'il a besoin de comprendre, sinon il est perdu. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'au contraire, elle annonce tellement qu'elle va nous perdre et que c'est un jeu. Mais toi, en tant que lectrice, tu te laisses perdre. Ah bah oui, avec plaisir, avec délectation. C'est-à-dire que parce que c'est pas parce que c'est annoncé comme tel. C'est-à-dire c'est pas juste, c'est un jeu qu'elle établit. Il y a un pacte de lecture. Il y a un pacte de lecture avec une narratrice qui est mise en place, certes. Oui, mais avec l'auteur qui, sans arrêt, s'amuse à jouer avec ça. Donc, mais l'auteur, je la laisse à part. L'auteur, elle fait ce qu'elle veut. C'est la narratrice qui m'intéresse. J'ai besoin de la comprendre, cette narratrice. On ne peut pas tout accepter comme ça. Je crois qu'on a besoin de comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre qui est cette femme, qui est cette narratrice et pourquoi... Pourquoi elle agit comme elle agit, ouais. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est assez éclairant à mon avis quand elle dit, quand elle parle de cette catastrophe. Alors elle parle de ce lundi noir et elle dit: faut-il regretter ce trou noir du lundi terrible qui, au moins, me fit vivre avec intensité? L'ennui me tue autant que la peine ou le manque. C'est assez étonnant d'entendre ça, cette catastrophe qui, au moins, me fit vivre avec intensité. C'est quelque chose quand même qui est dit assez fréquemment sur les gens qui vivent des catastrophes, malgré l'horreur. Oui. Alors, si on en revient à ce que disait Valérie et vous aussi, que cette narratrice est écrivain, est-ce à dire que, effectivement, cette catastrophe lui a fourni de la matière à écriture? En fait, le paradoxe, c'est qu'elle a à la fois tari complètement son écriture, puisqu'on la voit bien, effectivement, jeter les pages du manuscrit, donc on peut supposer que rien ne viendra à terme. Mais en même temps, le livre se fait puisque la narratrice est écrivain et que le livre se fait sous nos yeux, quoi. Mais est-ce que du coup, c'est pas... Enfin, il y a un passage que tu as... Parce que moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'humour, quoi. Et il y a un passage au début qui, moi, m'a éclairé. Alors, je sais pas si je me trompe, mais... Tu l'as, là? Parce que Frédéric va nous le lire. Non, mais de tout ce passage où elle dénigre... Enfin, elle dénigre pas, mais qui est très, très drôle sur tout ce qu'elle dit sur les plasticiens qui ont essayé de recycler l'événement tragique par des choses qui sont... Ça, c'est la, qui sont, la création des musées. Les musées ont fleuri. Et du coup, c'est très fameux. C'est terrible notre époque en même temps. C'est vrai. Page 25, lisez-nous un petit bout là. C'est une des clés sur les. Oui, tu l'as vu, toi, comme un passage un peu humoristique. C'est ironique, oui, par rapport à l'art. Oui, bah, vas-y, Frédéric. Les galeries d'art se sont multipliées, présentant des œuvres conceptuelles et douloureuses. Rien de neuf. Il se produit le même phénomène après chaque cataclysme. Le malheur inspire. Dénoncer ou rappeler, proposition trop simpliste pour exprimer ce qui est arrivé, ce qui arrive chaque nuit encore et encore au cœur du sommeil et nous réveille cœur battant, en panique, langue nouée. Ces œuvres manquent de tension et ne tiennent pas debout sans discours. Sont-elles le reflet de nos âmes vacantes ? D'accord. Et puis ensuite, il y a l'exemple d'une de ces installations oui. qu'on peut trouver un peu vaine si on veut. Oui, on peut le voir comme une critique même de l'écriture, hein, une écriture qui se nourrit du malheur. Voilà, ces œuvres manquent de tension et ne tiennent pas debout sans discours. Sont-elles le reflet de nos âmes vacantes ? J'en ai presque fini. Alors, il y a une phrase surprenante qui arrive un petit peu plus loin. Après nous avoir raconté la première rencontre avec l'amant, la deuxième rencontre avec l'amant, nous a dit que ce qu'on disait, c'était ce qu'on disait. Page 108, enfin on y arrive. Cette fois, je vais dire la vérité. Ah oui. C'est peut-être la dernière pirouette, mais peut-être pas. Il nous reste encore quelques pages. Alors, il a été beaucoup de questions de jeu avant, etc. Et pourquoi cette fois je vais dire la vérité ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a en épigraphe à celui-ci ? Troisième et dernier épigraphe à l'amant défunt, dernier mensonge, dernière descente en roue libre avant que les mécanismes ne se remboîtent les uns dans les autres. Déjà, il est un peu. La fin est, je pense, éclaire quand même. Éclaire le reste du livre. Je vais dire la vérité, alors voilà. Le mystère reste entier. Est-ce que c'est la vérité de la narratrice ou celle de l'écrivain ou une dernière pirouette, on le saura jamais. C'est la dernière version en tout cas de l'histoire de l'histoire de cette femme et le pourquoi de sa solitude et de ce qu'elle vit en fait. C'est la version la plus réaliste, je vais dire, sans être péjoratif, la plus terre à terre, oui. également. Oui. Hein. Dans mon esprit, c'est censé être la vérité. D'accord. Mais c'est curieux de le. Mais la vérité du roman, enfin voilà. Oui, non, mais la vérité du roman, non, il ne s'agit pas de faire le procès de Frédéric Germano, qui n'est que la main qui a tenu la plume, on sait bien ça. Hein. Mais c'est assez curieux, après nous avoir dit. Je vais raconter une version qui n'est pas la dernière. Puis d'un seul coup, comme ça, cette fois, je vais dire la vérité. En même temps, c'est la fin. Il faut qu'il y ait une résolution de l'histoire et du jeu avec le lecteur. Donc, j'ai choisi de résoudre comme ça. Alors, moi, j'avais marqué en question fausse déclaration, nouveau mensonge. Eh oui. Pourtant, le récit est plus réaliste. Ça, c'est vrai qu'il est plus réaliste. Par contre, c'est plus une rupture de ton, mais là, on oublie la ville. Mm. On oublie la ville avec tous ses fantasmes et tout. Il y a peut-être une explication. Je sais plus, j'ai pas noté la phrase où elle dit qu'elle sort de sa nuit. Mm. Donc, ça veut dire qu'elle y voit plus clair. C'est l'idée, oui. Mm. J'aime bien quand vous dites ces idées, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. J'aimerais bien que vous m'éclairiez davantage, mais bon, c'est gentil de me dire que j'ai compris quelque chose. Hein voilà. En fait, à la fin, pour moi, en tout cas, il y a une espèce de mise à plat de tous ces fantasmes, de tous ces rêves qui ont été imbriqués, et ces pages d'écriture, en fait, de fiction, qui sont complètement intégrées. Voilà, on met à plat tout ça, et on dit les choses, donc effectivement la ville reprend sa place de ville et plus l'importance qu'elle a eue elle reprend sa place de décor. Voilà, et la narratrice dit, s'adresse au lecteur pour lui dire que, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, qui est une version plus plausible, effectivement, plus terre-à-terre également, beaucoup plus réaliste qu'avant. Ça, on ne va pas vous le dire, c'est sinon vous n'allez pas lire le bouquin. Le but, c'est quand même que Frédéric, elle vende et qu'elle engrange des droits d'auteur, qu'elle ne partagera pas avec nous de toute façon. Je cherche la phrase où vous dites si bien voilà, que vous êtes sorti de cette nuit. Bon, j'ai pas dû la noter. Et puis cette dernière phrase qui m'a laissé aussi un peu perplexe. On me dit de passer à autre chose. Point. J'aimerais. Point final. Pas obligé de me dire que j'ai compris quoi que ce soit. Est-ce que vous souhaitez nous lire un autre petit bout de votre choix Et puis après, s'il y a des questions du public, il faut en profiter. C'est un livre, personne n'en a jamais parlé. Nous sommes vers le grand à la pointe encore. étonnant. Vers le grand, le tremplin vers... c'était quoi la grande librairie ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut passer par le grand. Passage obligé. Combien de Nobel sont passés par ici? Bob Dylan, le dernier. Pas si longtemps, quand il s'appelait encore Robert Zimmerman, il est venu chanter une chanson ici vers le grand. Un petit bout que vous souhaitez lire vous-même, de ce livre ou d'un autre, mais plutôt de celui-ci, ça serait quelque chose où, effectivement, je serais passé un peu à côté, comme ces histoires de galeries ou... T'en as, toi ? Les animaux ? Alors, sur les oiseaux, notamment les oiseaux ? Le chien ? Je peux vous lire un petit passage de courir à l'aube. Juste le début. Épuiser le corps en une tentative d'oubli. Lundi 11 avril, croire au printemps. On n'écrit pas pareil dans une ville mutilée. Ma course commence au parc du souvenir, mille fois traverser l'étendue d'herbe, allure modérée, longer la haie de bambou, fouler les allées de sable. Lundi 11 avril, quatre cumulus blancs veillent sur moi. J'ai vu grandir les pins, mourir les lauriers roses et les bruyères inadaptées, croître démesurément les fougères. Je passe loin des figuiers, dont l'odeur douceâtre mes cœurs, saturée de souvenirs. L'herbe est rase, humide, impeccable, aussi propre qu'une moquette d'appartement témoin. Légère brume à ras de terre, mille fois traversée, et pas un chien pour l'animer de ses sauts et jappements, de ses courses folles. Plus personne ne connaît le geste de jeter une balle à un chien. Après la catastrophe, la folie des animaux abandonnés, terrorisés, affamés, redevenus sauvages, interdits, exterminés. Les brigades anti-canines patrouillaient la nuit, munies d'armes silencieuses, et les camions-bennes portaient les cadavres à l'aube à l'usine d'incinération. Je pourrais suivre les allées, les yeux fermés. Sans les chiens, je ne reconnais rien. Je ne m'habitue pas à leur absence. D'accord. La présence des animaux, effectivement, le chien, mais les oiseaux également, qui reviennent peu à peu. Les oiseaux qui avaient disparu de la ville et qui reviennent, et la narratrice les observe longuement. Y a-t-il quelques questions ? Kamel, tu as lu le bouquin ? Oui, ouais. Moi, j'ai lu le bouquin. Voilà, as-tu lu ? Je me suis arrêté exactement, par exemple, je prends la page 105 sur les voyages ne tiennent jamais leur promesse. Je l'ai relu au moins trois fois. Ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose contre, c'est peut-être le tourisme de masse que vous dénoncez. Oh, c'était pas une dénonciation, c'était plus de l'humour, parce que moi j'ai voyagé beaucoup en fait, et puis petit à petit l'écriture a pris de la place, et je me suis un peu désintéressée en fait des voyages, et ce qui m'amusait en fait c'était quand j'avais ce travail salarié, que je revenais au bureau et qu'on me demandait où j'avais été, j'avais été sur les bords de Loire, j'avais pas grand chose à raconter quoi. Voilà, c'était plus un clin d'œil en fait à ces... Oui, ce voyage du touristique dans le plus mauvais sens du terme, quoi. On part en groupe, on fait tous la même photo et voilà. Et on rentre pas plus riche qu'on est parti. D'accord. dis bien à la fin, tu disais que les rêves et la part de la belle tu disais que le rêve est la part belle de la vie et que l'étrange ouvre les frontières de l'esprit. Ah oui. C'est un peu contradictoire, ouais. Mais après, voilà, pour moi, l'étrange, il peut être au pied de son jardin, à bout de son jardin, quoi, voilà. C'est, Parce que le voyage, c'est pas forcément ce non. que non, bah non, évidemment. Moi, je suis pas d'accord. Non. Bon, c'était plus de l'humour, en fait. J'avais dit qu'il y avait des grands voyageurs. C'est une forme de voyage. Oui, le voyage, il commence déjà à ta porte. Hein. Mais oui, bah oui, absolument, ouais. Et tu t'en es là de livre. Non, oui, ce qui m'a étonné aussi, c'est que je me suis arrêté sur la dernière phrase. Parce que j'aurais aimé que cette femme, en fait, parce qu'elle vit une mélancolie depuis quand même des années, parce qu'elle a subi en fait deux catastrophes. Son amant, on va dire son amoureux, décède la veille du. Voilà, il a compris. Lundi noir. Hein. C'est un bon, il est comme il dit, on l'a formé. Voilà, donc il y a une double catastrophe, et elle n'arrive pas du tout à se. Sortir de cette mélancolie. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que faut-il être mélancolique pour écrire un livre ? Oui, certainement. Enfin, être tout à fait serein et joyeux ne donnerait pas ce genre de livre, je pense. Même s'il y a, bon, il y a une part de fiction, évidemment, mais il y a des choses qui sortent. Des choses que j'ai besoin de dire. Et la mélancolie, oui, elle se retrouve pas que dans ce livre-là, mais disons que la catastrophe lui donne un motif. Mais c'est un état, enfin moi en tout cas, c'est un état qui me permet d'écrire, c'est sûr. Ouais. Et vous lui donnez pas du tout quand même une chance, parce que vous terminez, c'est ça que... J'aurais aimé qu'on lui donne quand même une chance à terminer. Justement, c'est ça qui. Voilà. On me dit de passer à autre chose. J'aimerais. Oui. Ce qui sous-entend. Et moi, j'aimerais que justement. En même temps, on peut se dire que elle a écrit quand même. Donc c'est pas complètement stérile cette catastrophe et cette peine. Mais ça restera toujours. Ça restera toujours présent. Alors, si on entend bien ce que dit Frédéric, effectivement, elle a écrit quelque chose, alors que page 25, juste après l'histoire des galeries d'art, c'était ouvert, on a parlé de tous ces plasticiens qui créent des tas d'œuvres auxquelles on va essayer de trouver un sens, et elle dit dans le même paragraphe, les écrivains se sont tus. Aucun n'a su dire les ondes de violence qui se propagent encore à l'intérieur. D'accord. Elle a donc réussi. Alors, enfin, dans mon esprit, c'était il n'y avait pas de publication, voilà, qui disait ce qui s'était passé. Et ces écrits restent dans des cahiers, voilà. C'est pas, je parle pas de livres en fait quand elle écrit. D'autres questions, Valérie, tu as sûrement une question à poser. Ouais. Ah oui, voilà. Ah, et voilà. Et pourquoi elle garde ces questions, Valérie ? C'est qu'elle va faire un entretien avec Frédéric Germano le 11 novembre, au salon de l'autre livre. Donc elle est venue là, elle m'a piqué 2-3 questions. Hein, et puis voilà. Hein, droit d'auteur. Droit d'auteur et du tout. Tu vois, hein. Françoise ? Moi, j'ai beaucoup aimé le passage de l'irruption du tu. Je trouve que c'est vrai que ça rompt effectivement quelque chose, mais ça convoque terriblement, extraordinairement la personne absente. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un procédé, bon, peut-être c'est pas très joli de dire ça, hein, mais un procédé d'une efficacité incroyable. Et quand on repasse, quand le tu disparaît, on repasse dans une absence et un vide aussi qui du coup fait bien ressortir la convocation de de l'absent, du mort, Mais le tu donne de la présence forcément. Je trouve que c'est très, très. Moi j'aime beaucoup. J'ai pas dit que je n'aimais pas, je dis que non. Ça crée une rupture de ton. Mais justement, je trouve qu'elle est, elle est très efficace, cette rupture de ton. Et est-ce que ce texte, justement, tu, il est écrit vraiment après l'autre ou pas ? Après l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, dans la composition du livre, est-ce qu'il y a une chronologie ? Est-ce que tout ce qui est sur la ville a été écrit en amont et le texte. Alors, le texte n'a pas été écrit dans l'ordre où on le lit, ça c'est sûr. Maintenant, je ne peux pas dire que j'ai écrit toutes les épigraphes à la suite. Ça, c'était plus morcelé que ça, en fait. Le texte a été très fragmenté avant que je l'homogénéise pour en faire une narration. Par exemple, tout ce qui est sur l'homme à la photographie, en fait, est-ce que c'est une unité en soi et qui a été écrite d'un coup ou pas. Le chapitre sur la photographie envoyée de New York, il a été écrit séparément. Ah, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, il a fait l'objet d'une publication un peu différente, mais avec une photographie. Mais il y en a deux qui étaient plus isolés comme ça. Il y a le tout premier aussi où on brûle le bonhomme hiver. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était le bonhomme hiver, en fait. C'est des figures qui annoncent le printemps et que dans... C'est comme un carnaval. Ouais, moi, je ne connaissais pas ça. Et dans les écoles, notamment, on brûle ça. Donc celui-là avait fait l'objet d'un texte, déjà. Et celui que j'appelais l'homme aux oiseaux avait fait l'objet aussi d'un texte séparé. Et après, il y a d'autres... D'autres morceaux qui se sont écrits un peu linéairement et d'autres pas, en fait. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont lu le texte ? Non, mais moi j'ai une question, mais pas en rapport avec le texte, par rapport à ce qui était dit plutôt au début de l'entretien sur l'oubli, parce que vous avez beaucoup parlé d'oubli au début. Est-ce qu'il y a aussi une connotation négative, plutôt proche de l'abandon ? Ouais, ouais. Pour moi c'est très important. Alors autant à titre personnel, la mémoire, l'oubli, c'est des choses qui me sont vraiment qui sont très profondément ancrées en moi. Mais j'en parle un peu dans d'autres livres. En fait, il y a aussi le fait que toute ma lignée maternelle a été victime de maladies de mémoire, d'Alzheimer et d'autres. Et donc c'est quelque chose qui pour moi est vraiment fondamental, l'oubli, la mémoire, la transmission. Je raconte dans un autre passage d'un autre livre la transmission par des photos, par exemple. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Belle page. Dans 90 motifs, c'est une très belle page. La mère qui donne à la narratrice donc un paquet de photos dans une enveloppe. Et que la narratrice ne souhaite pas recevoir et ne se reconnaît pas. C'est très beau, mise en parallèle avec les Magritte, la mémoire par Magritte, avec cette femme qui saigne à la tempe. C'est très beau, ça. Et dans le premier livre, il y a aussi ce thème ? Oui, avec le grand-père là, dont on parlait, en fait. Ce grand-père, d'ailleurs, qui avait lui-même écrit un roman, dans le plus grand secret... Et qui un jour me l'avait donné, je faisais partie d'une association, on faisait écrire des jeunes en difficulté, bref, il pensait que j'allais pouvoir le faire publier. Et moi j'avais lu ce roman que j'avais trouvé vraiment navrant, quoi. Et en fait je l'ai perdu, j'ai perdu le manuscrit presque tout de suite, quoi. Et il y a encore une question, en fait, de l'oubli et de... lui raconter des choses certainement cryptées, mais il avait certainement des choses à me dire qu'il n'osait pas me dire. Donc il y avait une mémoire, une part de mémoire qui était dans ce manuscrit et qui de fait a été perdue et donc oubliée. Donc oui, il en est aussi question. D'autant plus que le grand-père venait d'outre-Méditerranée, donc avait sûrement des choses, des images à raconter. Mais est-ce que si le lecteur est un peu joyeusement perdu, je vais dire, dans tout ça, est-ce que l'auteur se perd pas aussi ? Est-ce que l'auteur sait toujours ce qui est vrai et pas vrai ? Tu l'as vu là ce soir. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas. Enfin voilà, c'est là où je trouve que c'est un jeu d'impact qui est intéressant. Oui. Je sais pas. Oui. Je pense savoir à peu près ce qui est vrai et pas vrai quand même. Alors ça c'est personnel auteur, mais savoir jusqu'à quel point il perd son lecteur, il l'égare, il joue avec son lecteur. Non, là, il y a une part qui m'échappe, hein, c'est sûr. Mm. Mm. Il y a une part consciente et voulue, mais il y a une part qui m'échappe complètement dans la réception et jusqu'à quel point, effectivement, je perds ou je ne perds pas le lecteur. Moi, j'ai eu besoin de le relire tout de suite après. C'est-à-dire à quel point j'étais perdu, effectivement, et enfin perdu. Beaucoup de choses qui restaient sans, beaucoup de questions sans réponse, je l'ai relu tout de suite après. Mmh. Et d'un seul coup, la deuxième lecture, c'est beaucoup plus fluide, les choses s'éclairent. Voilà, on comprend mieux. C'est particulièrement dans ce livre-là ou tous les livres ? Plus dans celui-ci. Ah, oui. Plus dans celui-ci. Ah, oui, plus dans celui-ci. C'est un roman, celui-ci. Mm. Les autres, on s'y retrouve dans les autres. Oui, ils sont tous très beaux. Hein. Moi, j'ai adoré celui-ci, 90 motifs, parce que y a des thèmes qui me sont chers. La mémoire, effectivement, mais également. La transmission, la procréation, même si je suis un homme, je peux le dire, la maternité, voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées très, très, très fort, la création, et tout ça, c'est présent aussi. Mm-hmm. Voilà, on va peut-être arrêter là, parce que sinon, ça va être très long. Hein. Mm-hmm. Mais Frédéric se fera un plaisir de dédicacer quelques ouvrages. Hein. Merci. Voilà. Merci. Merci. J'ai été parfois un peu. Ah non, mais il faut. Un peu curieux, mais comme je suis premier à t'interroger là-dessus, ben voilà. Ça m'interroge aussi sur des points que. Et c'est vrai.